son crâne. Veulent me noyer dans le jack, conseillé par le diable pour enfin pouvoir me blâmer. Ouais. Ah bon, j'ai changé. J'ai pas quitté le studio d'off. Non, je veux pas te suivre, toi. Me faire michetonner, t'es censé. Ouais. Dans cette vie, y'a un blême. Et rien que j'y gamberge. J'y veux l'assister à nos victoires, mais pas à nos guerres. Mon cœur est en panne. Des verres de champagne. Si je t'enlève ton masque, je m'en remettrai jamais. Ça tape des lèvres, ça pour devenir des faux amis. J'suis dans un film, Karpakim et botanique. Il me faut des caras pour ma daronne qu'on se tire. Elle me demande, je rentre à quelle heure, j'm'attends au pire. En vrai, je sais que tu m'aimes, mais ouais, c'est ça le pire. C'est ça le pire, j'voulais juste entendre le dire. Et puis ma haine devient banale, ça empire. Ok, Jack Daniel dans la canne et j'me tempère. J'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. J'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Moi j'pense à elle et j'me demande, elle pense à quoi. J'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. La douleur s'embrasse sur mon cœur de rebeu. Les vrais me demandent si ça va, les faux me demandent si je peux. J'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. J'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Toute la nuit j'gamberge, j'm'appelle dans un grand verre. J'me pose des questions, est-ce que tu seras là si je perds. Du monde on s'empare, on se comprend sans se parler. Les problèmes s'entassent et nous on les affronte sans chialer. Ouais. Averti à la base, on est 26 dans le bat. Bannis tous ceux qui ont peur. Dans la nuit, on se balade dans la ville. Rêve d'allumer qui on veut. Ambitieux, jeune et gris, ambition, je veux mes billets full white. Laisse les rapper pour les tasses. Mes adversaires ne sont j'y pas. J'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. J'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Moi je pense à elle et je me demande, elle pense à quoi. J'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. La douleur s'embrasse sur mon cœur de rebeu. Les vrais me demandent si ça va, les faux me demandent si je peux. J'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. J'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas.